pas le droit à l'erreur, pas le temps de faire, je crois que c'est clair. Second chapitre, ne fais pas le pitre avec cette vie où t'en paieras le prix, mais t'en verras le fruit à t'en faire fuir. Mais les patates à cuire, c'est la patate en cuir, donc où j'avire quand t'as 30 piges, questionne sur un prochain avenir. Tri, je te vis dans un triste décor, t'as vu, malgré ce qu'on a sub, mec, c'est pas nos comptes décor. Mais passons de façon sachée quand je n'attends rien d'eux. Je fais solo en indé, nique les putes en micro 1, 2. Toujours présent pour foutre le feu, représenter au mieux ceux qui m'entourent, et si tu veux, ça ira mieux un jour. Crois après les thunes, car avec ça qui peut devenir un secours. Je fais comme ces chiens, je reste là, mec, j'attends mon tour pendant que leur tourne. Je représente pas de game, pas ta boum, venu d'en bas, venu de là où on se bat, là où les gens se gooment. Encore un jour de plus dans la piste, la merde, au lieu de me tirer à Dieu, me dis à plus, comment, comment rester puissant. Car je viens de là où c'est dur, la quartier est triste, bien que les gens aient souvent fier à pleurer. Laisse-moi dire que c'est tard comme c'est dur, laisse-moi dire c'est rare de sortir des cigs avec des érafleurs. Si cette vie t'a mis de côté, frère, faudra rester fier, rester clair avant qu'on t'éclaire. Le temps passe presque comme un éclair, pas le droit à l'erreur, pas le temps de faire, je crois que c'est clair. Car je viens de là où c'est dur, la quartier est triste, bien que les gens aient souvent fier à pleurer. Laisse-moi dire que c'est tard comme c'est dur, laisse-moi dire c'est rare de sortir des cigs avec des érafleurs. Si cette vie t'a mis de côté, frère, faudra rester fier, rester clair avant qu'on t'éclaire. Le temps passe presque comme un éclair, pas le droit à l'erreur, pas le temps de faire, je crois que c'est clair. Hey, coriace, dissident. Coriace, ex-dissident dans la nocturne, 100% rap français. 94. On va écouter des sons d'Ixo maintenant dans la nocturne, 100% rap français sur Skyrock. Ça vient du 9-3 et c'est dans la nocturne. 100% rap français. Est-ce que tu sais qu'on explicite les rixes? D'ailleurs, tu me le croirais jamais. Sale des bombes. Tu sais ce qui arriverait si je décidais tout à coup de ne plus travailler? Un business si important qu'il pourrait être coté en bourse ferme brusquement. Il disparaît. Il cesse totalement d'exister sans moi. Non. T'as pas compris? Tu ne sais pas à qui tu parles, alors laisse-moi t'expliquer. Je ne suis pas en danger, Skyler. C'est moi le danger. Si quelqu'un ouvre sa porte et se fait descendre, tu crois que ce sera moi? Non. Je suis l'homme qui frappe à la porte. Qui frappe à la porte. Comme dans Breaking Bad, X ne joue pas à Fox Game de Deb. X c'est de la pure t'as la Walter White. X dans le rap vient foutre sa caille. X dans le sale, dans le son ça le fait. X dans la vie, dans la street c'est ton vrai. X dans la ville c'est le prince tu le sais. X les gros foncés au sud des français. X c'est MC son contrefait. X le douanier je vais le contrôler. X validé par les grands de ta tête. X se transperce comme une balle dans la tête. X c'est la cause de tous ces zombies. X c'est le Bex, à viser les enclis. X c'est dangereux, X ferme la stupe. Tout qui paye le blave, on opère comme des mafieux. Mon vieux, on partira, passe à la guerre. Pour l'instant, pas le mono, pas la porte. X pour le torse, marche droit, le succès et la corde. Pour faire monter plus de ma horde. Face à ses porcs, doute et ses morts. X vient du futur comme Terminator. X, qui a eu tort? C'est plus de bâches, mais de coups de marche, de tort. Comme à la mettre à tous ceux qui ont fermé les portes. Fermé les portes, X t'as le mort. Blop, blop, blop, de la couleur de la paix. Fais ce que t'as à faire pour la garder. Avant ma crève armée, je vais les cramer. Le rap, ça va s'alarmer. Mais X a de l'école du crime diplômé. Diplômé. Tout pour la mise comme ton breaking. Tout pour la mise comme ton breaking. élèves, ils pourront plus se cacher, hein. De quoi ils parlent, de quoi ils parlent, lui. Allez, ferme ta gueule, c'est nous qu'on la vie. Ferme ta gueule, c'est nous qu'on la vie. Street X à 15 piges, touche au premier clock. X à 30 piges, fini dans le box. X à chétane, pose ton front sol. Pose ton front sol, ils ont pleuré ton décès. Pleuré ton décès. Le terrain doit tourner. On t'a fait remplacer. Street réalité. Triste pour les madres. Personne n'est épargné. C'est cramé, remettre à la santé, libérer les X. Fleury Boada, libérer les X. Vous passez l'enterre, libérer les X. Après les amours, libérer les X. C'est le X dans la tête, tu X dans la caisse. Le X qui t'agresse comme ce qu'on me trompe cesse. Le X charbonneur, vous donne le hus. Le X la zone R, tu connais la presse. C'est le X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X. Tout pour la mif quand t'as Breaking Bad. Tout pour la mif quand t'as Breaking Bad. Tout pour la mif quand t'as Breaking Bad. Trams à la proie, Trams à la proie, Trams à la proie, Trams à la proie, Trams à la proie, Trams à la proie, Trams à la proie, libérez les X, Planète Rap, 100% Explicit Lyrics. Black Brut dans la nocturne, avec McGregor et Niro. J'en ai marre de courir. Quoi? Toi tu rappes mieux que moi? J'en ai des larmes de fou rire. Ils veulent tous rapper comme si ça fait quelque chose à dire. Ils veulent tous rapper comme si ça fait quelque chose à dire. Prétendre faire du lourd, mais je n'aperçois que des points coques. Quand même la daronne trouve le niveau du rap français n'est pas top. Ils veulent tous rapper comme si ça fait quelque chose à dire. Ils veulent tous rapper, ils veulent tous rapper. Vu que le silence est d'or, ferme ta gueule si tu veux brasser. Rappeur précoce, dès le départ, mes punchlines, je viens les cracher. Pour tuer le temps, hein, de quoi? Je dois me flinguer le poignet? Je veux que ma musique traverse des frontières, je préfère flinguer le poignet. Ils veulent tous se comparer, mais putain, comment hostile? Non, de rien, j'aimais ma classe, même si tu rappes en costume. Tellement je rappe bien, tu me causes plus. Fais pas la tête, camarade. Rejoins la queue des jaloux, rêve, crié ta mascarade. ISF, trois lettres, impressionnant sans forcer. 91, je porte le C, le corbeille sur le torset. Tu connais la suite, si tu veux clasher, ça va se corser. Je te chie dessus et je me sers de la main de ta femme pour me torcher. Tu passes la 6, t'as personne dans le rétro. Je l'ai pincé, tu rêvais, t'es encore dans le métro. Tu parles mal, ton sang fera la déco. Tu rappes comme un chien, autopsie, fais-toi le veto. Photo, famille, 9-9-3-4-1, gloire. Allez, souris, cheese, rap français. Dans une bancale, à droite, une pause sur la tour de Pise. Rendez-moi ce qui va partir. J'en ai marre de courir. Quoi? Toi tu rappes mieux que moi. J'en ai des larmes de fou rire. On veut tous rapper comme si ça fait quelque chose à dire. On veut tous rapper comme si ça fait quelque chose à dire. Prétends faire du lourd, mais je n'aperçois que des voix coques. Quand même la daronne trouve que le niveau du rap français n'est pas top. Veulent tous rapper comme si ça fait quelque chose à dire. Veulent tous rapper, veulent tous rapper. Ça rappe comme tu devrais, ça rappe pour de vrai. Tu vis de près par les radios routes. Pas de pute, pas de très black brut. J'ai mes secrets où joue pas de flûte. J'ai pas trop frais dans le game, juste des connaissances. Pas plus. Y'a pas assez de ralice, il faut qu'on en fasse plus. Je peux plus écouter tes blabla, mais ça passe plus. Les poids lourds vont se faire déplumer par des poids plumes. Je marche là où t'as pas pied, trop loin pour ça qu'on me voit plus. Dans ce game, ça pue la traîtrise. Je maîtrise la prod des mots flots sans boîte. T'es triste, vous avez moi des faux fafs, fais-moi des fausses factures. J'irai pas moi zéro taf, j'baisse tout pourvu que ça dure. Pour les frères à du 9-1 du 93, dans les équipes les plus soudées, tu trouveras toujours un trait. Aubervilliers, Evry, Grim, Nicor, Pay, Bello et Hez, baisse les folles et la Hez comme des tartes à l'épée. Rendez-moi ce qui va partir, j'en ai marre de courir. Quoi? Toi tu rappes mieux que moi, j'en ai des larmes de fou rire. veulent tous rapper. Comme si ça fait quelque chose à dire, veulent tous rapper. J'ai pas de faire du lourd, mais je n'aperçois que des voix coques. Même la daronne, trop que niveau du rap français n'est pas top. Veulent tous rapper, comme si ça fait quelque chose à dire. Veulent tous rapper, veulent tous rapper. Jureux, il laisse surtout pas ton orgueil limité devant la vérité. On continue de défroquer toutes ces petites bandes effrontées. Nous, on parle d'elles, on sent pas les coups qu'ils peuvent raconter. Cherche toujours ce bis qui peut me rapporter. Alors on va éviter ces petites entailles. Tu cherches un plan, moi aussi tu cherches un plan. Moi aussi j'ai peut-être ce qu'il faut, alors parlons chiffres. Trop de ces sales bâtards se nourrissent de ces amalgames. Ta progéniture africaine issue des quartiers finissent dans la cam. Je crois qu'ils oublient que leurs pères pédophiles sont dans la chatte des petites asiatiques. Ou dans le hug d'un des jeunes de la tasse. Pendant que mes négros risquent leur peu dignité à vouloir la classe au volant de la classe C. Cerveau irrité, et ouais pour ça ils sont prêts à clamser. Et c'est comme ça que tu finis gris, à te prendre la tête sur tes produits. Alors que la vie passe au nez, avant que ta femme se fasse souiller. Ici ça rappe pour les plus de 20 piges, ceux qui s'adaptent. Ceux qui ont un fucking loyer à payer, ceux qui périssent à 1000 dans un FK. Rendez-moi si tu vas partir, j'en ai marre de courir. Quoi? Toi tu rappes mieux que moi, j'en ai des larmes de fou rire. Ils veulent tous rapper, comme si ça fait quelque chose à dire. Ils veulent tous rapper, comme si ça fait quelque chose à dire. Faire du lourd, mais je t'aperçois que des voix coques. Même la daronne trouve que niveau du rap français n'est pas top. Veulent tous rapper, comme si ça fait quelque chose à dire. Veulent tous rapper, veulent tous rapper. Planète Rap Explicit Lyrics. Black Brut avec Gradure, Cozy, SMS Remix. Mais tu finiras sur ma semelle. Ils ont voulu rapper, mais ils sont faibles comme des femelles. Le premier qui bouge, je lui allume sa mère sans sommation. Un, deux, trois soleils. Ils ont voulu clasher, mais ils finiront sur ma semelle. Sur moi, t'as voulu cracher, mais tu finiras sur ma semelle. Ils ont voulu rapper, mais ils sont faibles comme des femelles. Le premier qui bouge, je lui allume sa mère sans sommation. Un, deux, trois soleils. Les garde-côtes, je suis un pirate, Jack. Sparrow, comme chaque matin, manger paro. Amener CC, j'ai des bons tarots. En cellule refrais, je deviens paro. Brut, on a la technique pour les faire bouger. Les feux sont ouverts, il nous reste plus qu'à pousser. La rue connaît Niama, moi j'ai rien à me reprocher. À 92 km de la projet. Aussi, Gradure, on vient filmer vos projets. Haute-Seine, Essonne, plus qu'à Bruno QG. J'envoie des pics à CP des drapeurs, y'a pas d'accusé. Fuck le game, moi je suis pas là pour m'amuser. AZ ne baisse que son pas pour se faire sucer. Ils veulent monter sur la lune, ils ont même pas la fusée. Un sacré pédigré, puis d'une fois on m'a saccagé. Gros cerveau, tête du réseau, appelle-moi gâché. J'vis grave, jamba, voiture, cagé. J'marche sur ton rap à l'eau car j'ai pas nager. J'ai galéré pour être là, donc viens pas rager. Esprit même éboundélé, personne nager. Chacun son tour, nous sommes tous des passagers. Pense à évoluer au lieu de plager.

Naïe Pona braqué le rap game dans tout le monde, ma boco licolo. Non, non, t'es pas un suceur de buzz, mon négro, t'as suceur de goro. Nazan des Tindoki, quand je démarre à Kutri, je ne peux pas m'arrêter. Comme dirait mon yama, mon poto Fali, nan, ouais, c'est l'idée, Ingueta. Normal qu'on soit mortel, Igo, nous sommes que des terriens. Bientôt nous on serait tout part comme le drapeau algérien. Ici bas y'a que l'homme qui a peur, oui Niama, sinon y'a rien. Ça braille mais ça agit pas, y'a quoi comme j'irais mes Ivoiriens. Normal qu'on soit mortel, Igo, nous sommes que des terriens. Bientôt nous on serait tout part comme le drapeau algérien. Ici bas y'a que l'homme qui a peur, oui Niama, sinon y'a rien. Ça braille mais ça agit pas, y'a quoi comme j'irais mes Ivoiriens. Baby Saki Pango, Biso Tobe, Taka Rap, Yami Kolo, Rap, Yami Kolo, Bafingi, Batongi, Mendule, Nabango, Zasho, Lalipolo, Sol, Lalipolo, Flo, Gola, Ferre, Toko, Mema, Bango, Nyo, Soli, Kolo, Nikolo, Bazala, Ki, Wapina, Tangwa, Chege, N, la défense, c'est pas Kabazulu, Nadine, Mouk, suce-moi la bite de Tishimbok, avant d'aller à la messe, la compagnie, Babok, après lundi, Kula, donc il faut de Doc, j'fais du salaud rap français, maintenant j'rappe en Ingala. Ils me prennent pour un vieux deuxième et j'traîne avec Janen Villa. Ils me comprennent ap comme un sap, j'ai terminé comme 13 ans, loi loi. Kwanga Madesu, Fumwa, Ndunda, Bakisa, Moussaka. Poiso Mobutu, Tokolia Babomi na Binotu. Détesté parce que j'suis partout. Poiso Kosi, rap Yaboutou. Wereus, Bakoko, Kapi, Foké. Oyueza, Higeta. Fina Bissona, Maboko. Normal qu'on soit mortel, Igo, nous sommes que des terriens. Bientôt nous on serait tout part comme le drapeau algérien. Ici bas y'a que l'homme qui a peur, oui Niama, sinon y'a rien. Ça braille mais ça agit pas, y'a quoi comme j'irais mes Ivoiriens. Normal qu'on soit mortel, Igo, nous sommes que des terriens. Bientôt nous on serait tout part comme le drapeau algérien. Ici bas y'a que l'homme qui a peur, oui Niama, sinon y'a rien. Ça braille mais ça agit pas, y'a quoi comme j'irais mes Ivoiriens. Michel Chiani, Wereus, Luis Cavanda, Wereus, Bapeti Bakoli, mais ce n'est pas Bango quoi. Hervé Sakina, Team Nyama, Le Boule KMS, Wereus, Wereus, Kellor Nebo, Papi Tir, Jody Madiba, pas ouais ma gueule. Elvira, hein, 69, Parigo, Overdose, Niamès, Kinshasa, hein, Bapeti Nabiso, Samael, Iron, a.k.a. Pearl. J'irai pas, j'y reste Pharaon, le roi des momies, j'y reste Kembo, Monsieur R, Richard Makela, Wereus, Sinita, Wereus. Tire, Vandal, Vendel et Koyate, Mapula, Giringoto, Tire, Kankeuse, 9-3, 9-2, 7-8, 7-5, 7-7, Wereus, 9-4, la vétie, ma gueule, 9-5, pas ma gueule, le rap français a changé, maintenant rap, on Nkala, on fait du sale, ma gueule, ma sola Lingala, Bisso, Tobandango, Nikopa R. Aïe, Billy Solo. Le son de la Nocturne, un gros son signé Cozy à l'instant avec Poison dans la Nocturne 100% rap français. Cozy, on t'attend à la rentrée ou plus tard 2015 avec un nouveau projet. Merci d'avoir suivi la Nocturne, d'avoir veillé tard pour le son 100% rap français, d'avoir peut-être fêté aussi dans tous les sens. Peu importe, il y avait le son de la Nocturne. Toujours un truc à fêter avec le son de la nocturne 100% rap français sur Skyrock. C'est reparti, le son rap R&B en non-stop. Prochaine nocturne dans une semaine. Et spécial US entre 20h et 21h dans Planète Rap. Ciao. Skyrock. Skyrock. Rap R&B non-stop.